Unité 26. Conversation. Écoutez. 1. Nous verrons maintenant les causes de la Révolution française. 2. À la fin du XVIIIe siècle, en France, le roi détenait le pouvoir absolu. 3. Une minorité de Français, les nobles, bénéficiaient de privilèges considérables. 4. La bourgeoisie dominait toute l'activité commerciale et industrielle. 5. Elle voulait la liberté du commerce. 6. Elle voulait aussi l'abolition des privilèges qui entravaient l'activité du pays. 7. On voyait sans cesse augmenter le déficit de l'État. 8. Les mauvaises récoltes et l'augmentation des prix entretenaient le mécontentement général. Répétez. 9. Nous verrons maintenant les causes de la Révolution française. Dix. À la fin du XVIIIe siècle, en France, le roi détenait le pouvoir absolu. Onze. Une minorité de Français, les nobles, bénéficiaient de privilèges considérables. 12. La bourgeoisie dominait toute l'activité commerciale et industrielle. 13. Elle voulait la liberté du commerce. 14. Elle voulait aussi l'abolition des privilèges qui entravaient l'activité du pays. 15. On voyait sans cesse augmenter le déficit de l'État. 16. Les mauvaises récoltes et l'augmentation des prix entretenaient le mécontentement général. 17. Que verrons-nous maintenant? 18. Nous verrons maintenant les causes de la Révolution française. 19. Qui détenait le pouvoir absolu en France à la fin du XVIIIe siècle? 20. À la fin du XVIIIe siècle, en France, le roi détenait le pouvoir absolu. 21. Y avait-il des privilégiés? 22. Oui, une minorité de Français, les nobles, bénéficiaient de privilèges considérables. 23. Qui dominait l'activité commerciale et industrielle? 24. La bourgeoisie dominait toute l'activité commerciale et industrielle. 25. Que désirait la bourgeoisie? 26. Elle voulait la liberté du commerce. 27. Que voulait-elle encore? 28. Elle voulait aussi l'abolition des privilèges qui entravaient l'activité du pays. 29. Le déficit de l'État augmentait? 30. Oui, on voyait sans cesse augmenter le déficit de l'État. 31. Qu'est-ce qui entretenait le mécontentement général? 32. Les mauvaises récoltes et l'augmentation des prix entretenaient le mécontentement général. Écoutez. Les idées des philosophes comme Voltaire, Rousseau exerceront une grande influence. Les premiers journaux politiques font leur apparition. Ils apportaient les idées nouvelles. Ils faisaient la critique du despotisme. Il montrait la nécessité des réformes pour obtenir l'égalité politique. Ce sont ces idées que nous retrouverons dans la Déclaration des droits de l'homme. Répétez. 33. Les idées des philosophes comme Voltaire, Rousseau, exerceront une grande influence. 34. Les premiers journaux politiques font leur apparition. 35. Ils apportaient les idées nouvelles. 36. Ils faisaient la critique du despotisme. 37. Ils montraient la nécessité des réformes pour obtenir l'égalité politique. 38. Ce sont ces idées que nous retrouverons dans la Déclaration des droits de l'homme. Répondez, répétez. 39. Les idées des philosophes exerceront-elles une grande influence? 40. Oui, les idées des philosophes comme Voltaire, Rousseau exerceront une grande influence. 41. Y a-t-il des journaux politiques? 42. Oui, les premiers journaux politiques font leur apparition. 43. Qu'apportaient-ils? 44. Ils apportaient les idées nouvelles. 45. Que faisaient-ils encore? 46. Ils faisaient la critique du despotisme. 47. Quelle nécessité montraient-ils? 48. Il montrait la nécessité des réformes pour obtenir l'égalité politique. 49. Où retrouverons-nous ces idées? 50. Ce sont ces idées que nous retrouverons dans la Déclaration des droits de l'homme. Écoutez. En 1789, la révolution éclatait en France. Le 26 août, l'Assemblée nationale se réunissait. Elle approuvait la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'article 1 disait que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. L'État devait donc défendre les droits du citoyen. La loi devenait l'expression de la volonté générale. On mettait en application les grands principes des philosophes. Ces grands principes devaient ensuite se propager dans toute l'Europe. Répétez. 51. En 1789, la révolution éclatait en France. 52. Le 26 août, l'Assemblée nationale se réunissait. 53. Elle approuvait la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. 54. L'article 1 disait que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. L'État devait donc défendre les droits du citoyen. 56. La loi devenait l'expression de la volonté générale. 57. On mettait en application les grands principes des philosophes. 58. Ces grands principes devaient ensuite se propager dans toute l'Europe. Répondez, répétez. 59. Quand éclatait la Révolution française? 60. En 1789, la Révolution éclatait en France. 61. Que s'est-il passé le 26 août? 62. Le 26 août, l'Assemblée nationale se réunissait. 63. Qu'approuvait-elle? 1964. Elle approuvait la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Que disait l'article 1 ? 66. L'article 1 disait que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. 67. Que devait donc faire l'État ? 68. L'État devait donc défendre les droits du citoyen. 69. Alors, la loi devenait l'expression de la volonté générale ? 70. Oui, la loi devenait l'expression de la volonté générale. 71. On mettait en application les grands principes des philosophes ? 72. Oui, on mettait en application les grands principes des philosophes. 73. Est-ce que ces grands principes se propageront ? 74. Oui, ces grands principes se propageront dans toute l'Europe. Écoutez. Rousseau était l'un des grands philosophes du siècle des Lumières. Il disait que la liberté est un droit et un devoir de l'individu. Il écrivait dans le Contrat social que l'État devait promouvoir la liberté. Il affirmait que l'État doit être au service du citoyen. On lisait ses œuvres avec beaucoup d'intérêt. Les révolutionnaires mettront en application ces théories politiques. Répétez. 75. Rousseau était l'un des grands philosophes du siècle des Lumières. 76. Il disait que la liberté est un droit et un devoir de l'individu. 77. Il écrivait dans le Contrat social que l'État devait promouvoir la liberté. 78. Il affirmait que l'État doit être au service du citoyen. 79. On lisait ses œuvres avec beaucoup d'intérêt. 80. Les révolutionnaires mettront en application ces théories politiques. Répondez, répétez. 81. Qui était Rousseau ? 82. Rousseau était l'un des grands philosophes du siècle des Lumières. 83. Que disait-il ? 84. Il disait que la liberté est un droit et un devoir de l'individu. 85. Qu'écrivait-il dans le Contrat social ? 86. Il écrivait dans le Contrat social que l'État devait promouvoir la liberté. 87. Quel était, selon Rousseau, le rôle de l'État ? 88. Il affirmait que l'État doit être au service du citoyen. 89. Lisait-on ses œuvres avec beaucoup d'intérêt ? 90. Oui, on lisait ses œuvres avec beaucoup d'intérêt. 91. Ces théories auront-elles de l'importance ? 92. Oui, les révolutionnaires mettront en application ces théories politiques. Écoutez. 93. Pierre, quelle leçon étais-tu en train de lire ? 94. Je lisais ma leçon d'histoire. 95. Quelle période étudiez-vous en ce moment ? 96. En ce moment, nous étudions la Révolution française. 97. L'as-tu déjà étudié dans une autre classe? 98. Oui, on l'a déjà étudié au début de la troisième. 99. Ça t'intéresse? 100. Oui, mais je croyais que c'était moins difficile à comprendre. Répondez, répétez. 101. Pierre, quelle leçon étais-tu en train de lire? 102. Je lisais ma leçon d'histoire. 103. Quelle période étudiez-vous en ce moment? 104. En ce moment, nous étudions la Révolution française. 105. L'as-tu déjà étudié dans une autre classe? 106. Oui, on l'a déjà étudié au début de la troisième. 107. Ça t'intéresse? 108. Oui, mais je croyais que c'était moins difficile à comprendre.